Thank you.

par leur droite. Ils sont bizarres, la droite. Oui, mais j'ai un son, j'ai un bruit. Ça doit être le casque qui déconne. Un casque, il marche super bien. Normalement, ce casque, c'est un casque du studio. Vous entendez pas, vous, le bruit? Oui, ma voix, ouais. Ah, ça le fait plus. Attends, je vais me mettre en direct sur la table. Ah, je sais ce que je vais faire. Pour savoir si ça vient de là. Je vais aller me brancher directement sur l'ampli et la sortie de casque. Peut-être ça vient de ma carte. Avant d'aller chercher un autre casque. C'est une sortie ligne ampli. Quand je faisais des concerts, le mec il détestait quoi. Il dit non, je veux pas te faire. chipoter. Ah, il est parti, Bilou. Je passe. We'll be right back. chante à partir du 1. Salut. Salut Phil. Mais il y a une clé, ça marche pas, putain. il déconne celui-là avec un saucisson. Ouais. Parce que j'en avais un Juno, mais là franchement c'est ça, ça marche super bien. La version Juno 6. Ouais, cool. Yeah.